Yo, check, c'est bon. Grâce. Ça marche sur nos directs. Oh là là, ça okay. marchait ou well. Ça marche dès maintenant? Non, là, à partir de maintenant, ça fonctionne. Okay, ah oui, alors donc on recommence. Ah, good alors morning, on recommence, Good Morning Rouen, avec 2 minutes de délai. Et nous lançons à nouveau la petite musique quand même. Allez, c'est parti. Ah, c'est parti, écoutez bien. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et voilà, c'est parti. Très bonne chanson. Ouais, super chanson d'actualité. Ça y est, on y est là. Juste, je refais. En fait, on a eu un faux départ, donc je recommence ce que j'ai dit tout à l'heure. Il fallait pas le dire. Ouais, mais si, vaut mieux être transparent. Du coup, après des mois de préparation. Nous voilà pour ces 24 heures de live, 24 heures non-stop. Quoi ? Ouais, 24 heures, mon gars. Mais c'est la long. Folie, amazing. Le délire. Tout est ultra calibré, vous verrez, vous pourrez vous en rendre compte. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'écouter parce qu'on a prévu des choses à toutes les 15 minutes. C'est un au poil petit, de cul. Un petit truc qui des va venir. Professionnels de l'ambiance. Exactement. Voilà, bah, déjà on n'a plus d'idées là. C'est... Alors, au programme de cette journée de 24 heures de radio, vraiment quand on dit 24 heures, c'est pas pour dire juste c'est la journée, c'est 24 heures mon frère, 24 heures de radio, oui. Donc, 9 heures, c'est nous, voilà. Oui, c'est vrai. Vous êtes déjà dans le game, c'est déjà nous, voilà, on est déjà dedans. À 10 heures... on vous proposera d'écouter une présentation d'un média libre qui s'appelle À l'Ouest. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Oui, lisez À l'Ouest. On aura ensuite carte blanche au collectif LGBT, Centre LGBT de Normandie. À midi, vu que ce sera l'heure de manger, une petite émission culinaire. Et vu que vous allez beaucoup manger, parce que c'est dimanche à 13h, on parlera de véganisme. Avec L214. Tout à fait. 14h, on laissera la parole à des gens qui vont parler de la Garenne, ex-Garenne, Garenne en exil, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Là, donc la thématique des migrants, finalement, et de la gestion des migrants, la situation des migrants. Tout à fait. À 15h, ce sera une interview de quelques membres du collectif des Blouses Noires, qui sont des soignants de l'HP qui ont été en lutte l'année dernière. Et toujours encore aujourd'hui. Et toujours, toujours des terres. Toujours encore, on dit ça ? Oui, moi je le dis. Toujours tiré encore. Toujours encore. À 16h, poésie et chansons françaises avec le formidable duo de Chansons Brûlées. Oui, on a hâte. Je ne sais pas ce qui se passe à 17h, je ne comprends pas. Juliette, peux-tu parler dans ton micro? Excusez-moi. Écoute, DJ, c'est nous, c'est de la musique. On parle sur de la musique, c'est un concept. Ah oui, en mangeant du goûter. En mangeant un goûter, ouais, dans l'idéal. C'est l'orge crunch. Exactement. L'avant-garde radiophonique. 18h, on va parler de black metal. Oui, tout à fait. Antonin, tu veux nous en dire un petit peu plus? Allez, vas-y. Un petit teaser. Ça va être bien. Ah, ça donne envie, j'espère que vous serez tous au rendez-vous. Moi, je serai là à 18h. 19h, la Legal Team Rouen va venir un peu se présenter, vous expliquer ce qu'est un collectif de défense juridique. Il y aura aussi des punchlines et des jeux. Oh putain, ça va être trop bien. 20h, blind test. Donc là, c'est le moment, si vous avez hésité toute la journée, c'est le moment où vous mettez vos bottes, vous traversez Rouen, vous venez ici au Diablo Corps participer au blind test. 100 rue Saint-Hilaire. Des gros cadeaux à gagner. gros cadeau. Apparemment gros cadeau. Ouais, ouais, on a le temps de trouver des gros cadeaux par Nico en plus. Donc. Ouais. Je vois le cadeau, c'est impressionnant. C'est une bagnole, c'est on peut très, le dire. Très gros. Ça rentre pas dans le Diablo Corps, tellement c'est gros. 21h, hypnose de rue. Hypnose de rue. Hypnose de rue, eh bien c'était un hypnotiseur qui hypnotise dans la rue, qui va nous parler à la fois de ses méthodes et qui va nous faire une petite démonstration. Donc il y aura des petits cobayes. Et voilà. Est-ce qu'on sera obligé de sortir dans la rue pour que ça fonctionne? Pas forcément, je crois que ça peut se faire en bibliothèque. Un petit peu partout, en bibliothèque. On va peut-être appeler ça hypnose de bibliothèque. Oui, on va peut-être appeler le mec. Ça me met mal à l'aise. On rappelle le mec, on lui dit qu'on change. Ça marche. Ouais. Petit bonhomme, si tu nous écoutes, on t'aime quand même, tu peux venir. Hein. 22h, concert acoustique. Alors, ça prend un seul C, acoustique, normalement. Tout mais... à fait. Je ne sais pas qui a fait le flyer. On pourra lui beaucoup dire. Beaucoup de bienveillance dans ce premier quart d'heure d'émission. Bon, un concert acoustique, vous oui, voyez ce que fait, c'est. Tout à fait. Du groupe SAD, Seasonal Affective Disorder. C'est avec très mignon. Avec un bel accent. C'est vrai. Et ils sont deux. Et c'est plutôt mignon. Vous pouvez écouter sur Bandcamp, Seasonal Affective Disorder. Et ceux qui ils veulent venir beaux. Les voir en vrai sur place, venez aussi. Ça vaut le coup. C'est très chouette. Oui, ils sont très beaux d'ailleurs. C'est ce que me dit Antonin. C'est vrai. Adorable. Voilà. 23h surprise. C'est une surprise même pour nous, je crois. Donc voilà. On va bien voir ce qui va se passer. À partir de minuit jusqu'à 4h, donc ça s'adresse aux personnes plutôt insomniaques ou aux travailleurs ou de nuit. Aussi. Il y a trois possibilités. Pour tous les alcooliques qui nous écoutent. Ce sera Groupe Fantôme qui va être aux manettes et si je ne m'abuse, on pourrait décrire leur émission comme une émission un peu lifestyle de gros mecs bourrés. Voilà. En tout cas, c'est ce qui était prévu initialement. Oui, tout à fait, je crois que c'est ça. De 4h à 6h, on se laisse la possibilité de dormir deux heures, mais peut-être aussi de vous étonner encore. Je pense que tout le monde ne dormira pas et il y aura de l'activité. On ne va pas vous lâcher aux heures les plus sombres de la nuit. Et à 6h, revue de presse, pour enchaîner ensuite sur 7h du matin, en live, concert petit-déj de la Conjuration des Fourneaux, comme tous les lundis matin. Tout à fait, et je ne me rappelle plus du groupe qui joue, je vais chercher rapidement si sur Internet. Dis-moi. Carton, non, quelque chose. Carton, quelque chose, Thomas oui. Thomas Carton. Voilà. C'est possible d'être moins précis. Thomas Carton. Très bien, voilà. Carton, quelque carton. Chose. Donc. C'est vrai, je ne parle que par mots. Mais on t'embrasse, Thomas, si tu nous écoutes. Monsieur Carton. Non, c'est vraiment ça. Et à 8h15, j'ai cours. Ah. À la fac, donc vous pouvez me rejoindre. Comment aussi. Peut-être que les 24 heures continueront, 48 heures. C'est bien possible. Je... Avec 24 heures de cours. Voilà. Waouh, j'ai hâte. Eh bien, donc ça fait plus de 10 minutes qu'on est en live, en direct. On arrive déjà à court d'idées. Je lance une petite musique. Je pense que c'est. Ah, je voulais juste dire qu'il y avait 6 auditeurs là, en commençant. C'est pas mal. Oui, c'est pas salut mal. Vincent. C'est bien. Allez, musique. J'ai pas encore cliqué sur le lien. Alors, musique, allez. Ça y est, je clique sur le lien, ça charge. Allez, s'il te plaît, musique. We'll be right back. excellente programmation musicale pour l'instant. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais le reste de la semaine aussi, et c'est beaucoup Benny et Nico qui mettent les musiques. Oui, c'est et vrai. Pour l'instant, c'est presque un sans faute. Ouais, ça commence à tourner en boucle, quand même, je trouve. Oui, non, mais il est temps qu'on lance la radio. Les nouveaux. Juste petite dédicace aux 10 auditeurs. Salut JJ. En fait, c'est 10, et en fait, j'imagine que ça augmente constamment. Je vois le graphique au loin qui augmente. Oh putain. Vous voyez, c'est la folie. D'ailleurs, n'hésitez pas à lancer vos dédicaces. Par signal, par WhatsApp, par Facebook, par Messenger et même par numéro de téléphone. On vous envoie un numéro maintenant, le 06 26 47 08 60, je l'ai dit. Vous pouvez envoyer des textos et on va vous... Ou des sextos. Je serais ravi de recevoir des sextos. Surtout des sextos d'après le numéro. Pas sûr de répondre à tous les sextos, mais j'essaierai. Voilà, je promets rien. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait après ? On va présenter la radio en général, maintenant qu'on a présenté le programme du week-end. Alors, Web Radio Crochet, qu'est-ce que c'est ? C'est collé. Oui, c'est collé, désolé. la Web Radio Crochet, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on s'est dit à la base ? Comment c'est né, cette radio ? Comment c'est né ? Et bah, c'est né en même temps que le Diablo Corps. Donc il faudra qu'on parle un petit peu plus tard du Diablo Corps. Mais une des idées, c'était qu'il y avait déjà des gens qui faisaient un petit peu de radio, je crois. N'est-ce pas, Juliette ? Oui, sur France Culture. Merci de rire à ma blague. Ah, t'es bien. Tout le monde a ri, les 10 auditeurs ont ri. Moi, c'est l'imitation qui m'a plu, finalement. Oui, on était quelques-uns à faire déjà de la radio. Je vais expliquer vite fait. On a animé pendant peut-être 5 ans, je ne sais plus exactement, mais 4 ou 5 ans, ouais. Deux émissions sur Radio HDR. La première, Au-delà des murs, qui parlait plus spécifiquement de la prison, qui parle encore d'ailleurs, parce que là, bon, c'est un peu en pause, mais... avec Radio Crochet, on envisage de relancer Au-delà des murs. Donc Au-delà des murs qui parle de la prison, qui nous a conduit à beaucoup, beaucoup travailler sur le sujet de la justice et de la prison, et même à co-animer des ateliers en prison. On aura l'occasion de revenir sur ce genre d'expérience parce que vraiment, on a beaucoup de choses à en dire. Et l'autre émission, c'était La Rumeur, une émission plutôt consacrée à des projets ou des luttes qui se déroulaient et qui nous semblaient proches de ce qu'on avait envie de vivre. Et de là, on s'est dit que ce serait quand même super cool, même si Radio HDR, c'est une structure qui est facile à utiliser pour les bénévoles et les gens qui veulent faire de la radio. On avait envie d'avoir encore plus de temps, encore plus de liberté dans ce qu'on pouvait porter sur les ondes. Et on s'est dit que c'était cool de se lancer dans la création d'une web radio. Mmh. Tout à fait. Et alors, le Diablo Corps, depuis combien de temps c'est ouvert concrètement ? Ça fait un an ? 14 mois, je dirais. 14 mois, soirée d'inauguration le 13 octobre 2017. Voilà. Et alors, on a eu moult péripéties pour cette radio, puisque... à chaque fois qu'on a voulu finalement, on a réussi assez rapidement à rassembler le matériel finalement pour que la radio soit opérationnelle. Mais ce qui nous manquait, c'était un peu des petits génies de l'informatique. Et tout le monde a un cousin qui s'improvise génie de l'informatique ou un cousin qui connaît un pote qui connaît un cousin. Qui a Google notamment. Dédicace à Nils. Et mille fois, on a compté sur des gens et finalement, ils étaient soit pas dispo ou soit pas finalement compétents pour faire en sorte que la radio fonctionne. Et au bout d'un moment, et ben, on a pris les choses en main et puis on s'est débrouillé par nous-mêmes. Et on a eu aussi pas mal d'aide pour que la radio soit diffusée sur alouest.info. On a eu pas mal d'aide de la part de la team Mutu, notamment Pedro, Marine, et puis aussi, voilà quoi, tous ces gens-là. Super. Voilà. Super explication. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on explique ce que c'est le Diablo Corps ? On invite les gens à venir, peut-être ? Carrément. Vas-y. Vas-y. Fais-le. Toi. Faisais-le. Et venez. Merde, t'as pas dit c'est où ? Alors, 100 rue Saint-Hilaire à Rouen. On a ouvert donc le 13 octobre 2017. Il y a quoi au Diablo Corps ? Bah, on fait dans l'ordre de quand on rentre dans le lieu. Ouais. Mmh. Visite virtuelle. Voilà, donc là vous avez la belle vitrine en bois déjà, qui a été faite par nos amis de Au fil du bois. et avec un beau dessin de diable fait par Denis Moreau. Et donc on entre, on a une belle bibliothèque jaune avec plein de livres et on peut emprunter des livres toute l'année, c'est 5 euros l'année pour avoir sa carte au Diablo Corps, donc faut la faire, c'est pas cher. C'est comme gratuit. Hein, voilà, et il y a des super bons livres. On peut aussi, à partir de janvier aussi, boire du café, du thé, à prix libre dans le lieu, juste se poser, même si on n'a rien à faire, même si on n'a pas envie de lire, même si on n'aime pas lire. Et après, on monte les marches. On arrive au premier étage, qui abrite un genre de grand salon cuisine, et c'est l'endroit où on peut organiser des réunions ou des projections de films. Donc vous avez régulièrement la possibilité d'assister à des événements qui sont organisés par l'un des collectifs du Diablo Corps. On vous expliquera après qui sont les collectifs qui sont présents ici. Deuxième étage, un bureau pour travailler, pour réfléchir, écrire des textes qui tuent, faire du montage vidéo, chiller sur le web. S'isoler parfois sur le net, sur la toile, sur l'interweb. Et en face, sur le même palier, le studio de radio. Alors, c'est un peu contradictoire, parce qu'on a un studio là-haut, mais il est tout petit. Et là, aujourd'hui, on s'est mis au rez-de-chaussée du Diablo Corps, parce qu'on attend du people. Et dernier étage, une pièce pour les enfants. Voilà, les enfants des gens qui fréquentent le Diablo Corps peuvent aller jouer, s'amuser. Il y a plein de jouets à disposition. C'est un endroit plutôt cosy. Entendu. Je mets une petite musique. Transition. Et après, on vous parlera peut-être des collectifs qui passent ici et qui s'organisent autour de ce lieu. Très bien. Fallait que l'on descende dans les hangars, reprendre de la base sur la Comatec. ainsi que sur les autres crews, afin de faire le break. C'était Paris sous les bombes, c'était Paris, Paris sous les bombes. Paris sous les bombes et toujours aucun sexto au 06 26 47 08 60. N'hésitez pas à nous écrire, hein, on lira votre message à l'antenne s'il est possible. Il y en a un petit peu dégoûté là quand même. 30 minutes, 0 sexto, 9h30 le dimanche matin. Ça fausse, c'est ça, c'était ses statistiques. C'est que, il faut quand même articuler. Hein. C'est important, ouais, c'est important. Ah ouais, là, vous m'avez pas dit. Non, on revient sur un truc, on fait un petit peu marche arrière, on a passé trop vite la radio en fait, on est passé, c'est le stress qui nous anime, du coup on est passé à la description du Diablo Corps, mais on a quand même oublié de dire cette web radio, pardon. Déjà d'une, moi je ne peux pas répondre à cette question mais je la pose, pourquoi web radio crochet déjà? Qui a eu cette idée, j'ai envie de dire splendide? Ah, j'ai reçu un premier texto. Ah. Sexto. Est-ce que c'est... Je sais pas si c'est un sexto. Peut-être dur. Non. C'est simple, c'est efficace et ça fait toujours plaisir. Oui. C'est marqué tu pues, sans faute d'orthographe. Excellent. Et ça, la personne qui me l'a envoyé, elle sait que c'est une blague qui ne s'arrêtera jamais. Voilà, non, jamais. On trouvera toujours un moment pour s'envoyer ce genre de message. Merci à Juju S. Juju 76. On va aller voir ton Skyblog après. Merci pour ce message. Alors web radio crochet. Ouais, crochet. Qui a choisi le nom? Franchement, je sais pas. Je me rappelle qu'on s'est retrouvés tous ensemble et on a lancé plein de noms. Et à chaque fois, c'était quand même beaucoup de blagues ou de jeux de mots. Et ou de trucs vénères. Ou de trucs un petit peu genre trop offensifs. Ouais. Radio Molotov. c'était too much. C'est ça. D'accord, je vois. Et donc voilà, on l'a choisi surtout pour le jeu de mots. Et il faut admettre qu'on aime bien quand il y a plusieurs sens possibles d'interprétation. Radio crochet, bah, comme un radio crochet, un concours radio là. Mais crochet, tout de suite, ça nous a fait penser à plein de trucs. Ça pouvait être le capitaine crochet, le crochet de. Je sais pas. D'un coup de poing. Ouais. Crochet du doigt, ouais. Crochet d'attelage, tous les crochets possibles. Et mamie qui fait du crochet, c'est très mignon. Ouais, un petit côté crochet de la société. Croc de boucher aussi, ça nous plaisait. C'est vrai que c'est un mot sous-estimé quand même. Oui. Je suis content que vous l'ayez remis sur le devant crochet, de la scène. Crochet. Ça peut être de 4h à 6h. De l'ASMR par. J'ai pensé cette nuit. J'apprécie l'ASMR. J'adore. Il faut que ça s'arrête pas. Ça s'arrête tout de suite. Ok, donc première question qui a été répondue, voilà, à laquelle nous avons répondu. Ouais, pardon, les qui, tout ça, j'ai un peu. Oui, c'est pas top. Juliette, tu nous dis qu'on aime la polysémie et du coup, c'est vrai aussi pour le Diablo Corps. Exact. Oh là, oh là un peu. Wow. C'est que t'allais reparler du Diablo Corps. Ouais. Non, j'allais pas reparler du Diablo Corps. J'allais finir sur la radio, peut-être. Fini sur la radio. Vas-y, peut-être on fait ça. Vas-y. Non, alors, cette idée de 24 heures, c'était aussi et surtout. Au-delà de nous faire plaisir et de marquer le coup, c'était le lancement officiel de la web radio, même si elle est déjà en ligne depuis un certain temps et c'est beaucoup de musique. Mais il y a de plus en plus de programmes. On peut en citer quelques-uns. Ouais, une bruit de porte, personne n'est rentré. On peut en citer quelques-uns, oui. On peut en citer quelques-uns. Tu en as en tête? Vas-y. Vas-y, vas-y, chacun son tour. Lance-en comme ça. Alors, par exemple, Disquaire, qui a commencé la semaine dernière. Qui d'ailleurs sera. C'est un peu le projet de Goûter DJ à 17h. c'est plus ou moins passer de la musique et en parler. Enfin, je veux dire, c'est pas une idée non plus révolutionnaire, hein, mais c'est assez drôle. En tout cas, pour nous qui le faisons, c'est très drôle. Donc, j'attends vos remarques. Hein. Peut-être que c'est pas drôle, en fait. C'est pas grave. Mais... On verra bien. Il y a également, pour l'instant, Il y a Pelliculture. Pelliculture. Est-ce que tu veux nous en parler, Antonin, de Pelliculture? Oui, je peux en parler. Ouais, c'était une des premières émissions de la radio, avant même que la radio existe, du coup, vu qu'on n'avait pas trouvé de dispositif pour diffuser, mais elle a fait quand même des trucs. Et donc, ça parlait de cinéma. De politique, d'idéologie, de psycho, de sociaux. Enfin, voilà, c'était un joyeux bordel qui n'était pas très organisé, mais qui reviendra sous une forme plus concise et travaillée. Voilà. Merci, Antonin. Merci, oui, pardon. Il y a également Philo Politique de Comptoir qui s'est lancé avec une première émission sur le communisme qui dure 3 heures. Donc, quelque part, ça va durer longtemps. Hein, on va pouvoir en faire beaucoup des podcasts. Donc, l'idée, c'est de parler de politique, de philosophie, de concepts autour d'une bière et d'une manière assez subjective. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà de lancé? Des émissions d'actu, il y a une émission d'actu qui a été lancée, qui est passée jeudi, l'émission d'agenda d'ailleurs, voilà, on a appelé ça comme ça, les chroniques d'agenda on a appelé ça pour l'instant, puisqu'on n'a pas de nom ultra arrêté. On revient sur l'actualité, on essaie de faire de l'analyse des médias, voilà. Encore une fois on se lance. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a déjà des programmes qui sont lancés et qui vont continuer d'exister. L'idée c'est d'en créer d'autres le plus possible et du coup on vous invite, vous tous auditeurs, à proposer. On aura aussi une émission justement animée par le groupe Fantôme régulièrement qui sera sans doute des musiques en fonction d'un thème avec aussi des petits extraits de textes, etc. Et puis peut-être à partir de l'année prochaine une émission sur l'amour, la sexualité, etc. qui n'a pas encore de nom mais on est en préparation. Le concept existe, malheureusement c'est dur à lancer. Antonin, vas-y. Oui. Et donc j'en profite, il y a eu une première émission il y a quelques semaines sur le black metal suite au concert d'Orna, enfin avant le concert d'Orna. Du coup on va en faire une autre aujourd'hui et il y a peut-être moyen que je me motive à en faire d'autres. Donc voilà, et je ferai également des playlists crépusculaires avec du black metal dépressif pour les plus insomniaques d'entre vous. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux les insomniaques dépressifs. Merci Antonin. je voulais dire autre chose également. Non, pour tout ce qui est technique, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui auraient envie de faire de la radio mais qui n'y connaissent rien, je veux dire à tout ce qui est micro, fil et autres plugs. Alors, vous pouvez vous y connaître. On dit plug, non? Ouais, c'est vrai. Alors, c'est le mot. Hein. Faut pas rigoler à chaque fois qu'on dit plug. C'est un peu, ouais, c'est un peu ridicule. Hein. Tu t'es étonné toi-même de ce que ta bouche a dit. Non, non. Ça s'est vu. Je me suis étonné de l'immaturité de mes camarades. Quand j'ai dit plug, on sourit, quoi. En tout cas, si vous n'y connaissez pas, si vous n'y... Hein, c'est dur, hein. À plug, et ben c'est pas grave, parce que nous, on s'y connaît en plug. Et du coup, on vous aide à monter votre émission, on vous aide à vous servir du logiciel, on vous aide à allumer le micro et à vous enregistrer. Il n'y a aucun souci. On vous écrit vos chroniques aussi, on vous fait votre playlist. On parle à votre place. Voilà. Hashtag ventriloquie. Ok, on a un message qui n'est pas un sexto, je suis un peu déçu, mais est-ce que vous payez le petit-déj, nous dit Chloé. Chloé du 7-6, tout à fait. Écoute, on va te répondre en direct. Ça m'évitera un texto, 10 centimes. Nokia 3310 aussi. C'est fini. On enregistre en 2007. Donc oui, on paye le petit-déj, le café est chaud, les pains au chocolat ont disparu. Mais mon champ de vision. Ils sont pas loin, ils sont là. Ils peuvent revenir à tout moment. Et du coup, un truc, c'est si vous voulez rejoindre l'initiative, c'est assez facile. Vous avez juste, soit vous écrivez, soit vous passez nous voir à un moment où on est en permanence au Diable Corps. On est au Diable Corps, c'est ouvert de 16h à 19h, du lundi au vendredi, de manière générale. En vacances scolaires. Donc vous pouvez passer directement nous voir pour discuter avec nous. Sinon, vous pouvez envoyer un message sur Facebook, soit au Diable Corps, soit à la web radio Crochet. Vous pouvez écrire un mail aussi à lediablecorps@riseup.net. Voilà. Excellent, c'est toujours très précis ce que tu dis, ça fait beaucoup de bien, ça rassure, ça sécurise. ça sécurise l'auditeur. Est-ce que je lance une petite musique ou... Je sais pas, on peut peut-être finir sur le Diablo Corps, il y avait quelque chose de sémantique, je sais plus, t'as dit un mot, dit un mot intelligent il n'y a pas longtemps. Polysémie, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, je vous propose qu'on fasse une pause et que d'accord, on pas de soucis, après, pas de soucis. Bah, on a hâte. Hein. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. C'était Johnny Cash. J'adore Johnny Cash. C'est vrai? Ouais. Oui, encore, j'adore. Et on remet Johnny Cash. Désolé hein, pour tous les petits détails techniques, on est en train de tout finaliser, fignoler. Fignoler, j'aime pas trop ce mot. Il est un petit peu agressif. En tout cas, merci de nous renvoyer ce qui va pas, ce qui est trop fort, tout ça. Comme ça, on progressivement s'adapte. Réajuste, oui, tout à fait. Pas toucher à ça. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous reste 20 minutes. Il y a encore des choses à dire. On avait dit qu'on parlerait des collectifs qui fréquentent le Diablo Corps. Et ce sera l'occasion d'expliquer la fameuse polysémie, le mot intelligent de tout à l'heure. Ah si, quand même. Oui, quand même. Il y a un Y, donc ça ne trompe pas. Tout le monde ne va pas comprendre. Sur les 13 auditeurs, là, je pense que la moitié ne comprend pas. Hein. Ouais, et puis tu marques des points. Salut, sur dans le Scrabble. Donc les différents collectifs qui fréquentent le Diablo Corps, quels sont-ils? Quand il s'agit d'énumérer comme ça avec la pression de bien présenter tout le monde, j'ai toujours peur d'oublier. Il va falloir qu'on le co-construise, si vous voyez ce que je veux dire. Pause réunion. On fait un chacun. Tourne comme ça. Bah, ok. Bah, alors bah, moi, c'est je... la pression du coup, c'est un jeu. Moi je présente le centre LGBT qui viendra parler tout à l'heure. Donc le centre LGBT de Normandie, c'est des gens qu'on a rencontrés avant l'ouverture du Diablo Corps, alors qu'on avait déjà acquis les locaux du Diablo Corps, qui s'organisent autour de la question des luttes liées à la sexualité, à l'homosexualité, qui militent à l'échelle nationale. Il y a des collectifs dans toutes les régions et il y avait une antenne qui existait à Caen à l'époque où on a rencontré les gens du centre, mais il n'y avait rien à Rouen. Et donc dans ce centre, alors c'est là que c'est compliqué d'expliquer, le centre, ça regroupe plusieurs associations et plusieurs collectifs. Et ceux qui interviennent au Diablo Corps, donc il y a par exemple le Refuge, qui organise une permanence le premier ou deuxième lundi de chaque mois, c'est assez variable, il faut suivre sur Facebook, c'est le plus simple. Le Refuge, c'est une association qui accueille et accompagne des jeunes qui sont en conflit avec leur famille ou en difficulté avec leur famille, qui peuvent être mis à la rue pour des questions liées à leur sexualité. C'est chaque deuxième lundi du mois de 18h30 à 21h30. Encore ce cadre. Internet, c'est... C'est ça. Il y a les NIPS aussi avec les permanences de santé sexuelle. Est-ce que Benny, tu peux nous dire quand c'est ? Tout à fait. Et également, je rajoute juste sur l'association LGBT, ça s'appelle LBTG, soit lesbien ta gaieté aussi. Non, c'est une des associations qui, voilà, qui fait partie du centre LGBT. Il va peut-être falloir qu'on rattrapez-moi, les gars. On se calme sur. Okay. Et NIPS Rouen, j'écris. Les NIPS, en fait, fait du dépistage. Sauvage, je crois que ça s'appelle dépistage sauvage, c'est-à-dire. Mais ils sont très sympas. Hein. Après, ils te croisent dans la rue. Ils te croisent dans la rue, ils te chopent. Ils te dépistent sans prévenir. Et ben c'est, alors, ils disent que c'est le lundi, le dernier lundi du mois, de 18h30 à 21h30, une permanence mensuelle. Moi, je propose de laisser toute cette présentation à 11h. Eux-mêmes, au LGBT, façon, oui, c'est vrai. Ils ont un créneau. Il est vrai, on perd du temps là-dessus. Voilà. Donc, d'autres, il est vrai. D'autres structures, on peut penser à qui ? On peut penser à... C'était à toi, en plus. C'est à moi, mais j'ai pas envie de présenter Agenda, j'ai envie de présenter... Diffraction ? Diffraction, exactement, qui est un collectif. J'ai du mal quand même à trouver les bons mots, je ne voudrais pas vexer, mais je crois que c'est un collectif. C'est un collectif. Voilà. Est-ce qu'on peut définir diffraction déjà ? C'est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle ou une ouverture. Et ben voilà, ça résume très très bien ce qui se passe au sein de diffraction. Non, diffraction, c'est un collectif qui de désobéissance civile, non ? Oui, je suis pas totalement sûr. Qui organise des formations, voilà, sur le thème de l'action collective et créative. Voilà, j'ai redit exactement. Merci Nico. Donc dédicace à nos amis de Diffraction. Si vous voulez plus d'infos, diffraction.zone/quoi. Mm-hmm. Ah bon ? Oui, diffraction.zone si vous préférez, c'est plus simple. Ok. Vous arrivez sur leur site. What else ? On est aussi en lien avec Solidarité HDR. Et ils font actuellement surtout une grosse journée de permanence juridique. Maintenant, c'est sur toute la journée, tous les jeudis, pour aider les migrants à remplir leur demande d'asile, par exemple, ou d'autres papiers. Donc, ils aident dans tout ce qui est du domaine du juridique. Et puis, je crois que bientôt, il va aussi y avoir des possibilités d'avoir des permanences psy pour ces mêmes personnes. Et je crois peut-être des cours de français à redéfinir. Suivez bien la page du Diablo Corps, on mettra toutes les informations. Et alors, Agenda, qu'est-ce que c'est ? C'est une association d'éducation populaire, n'est-ce pas ? C'est très éduc-pop, ouais. Ça propose de décrypter un peu l'actualité, donner des clés de compréhension par rapport aux médias notamment. C'est une association assez mouvante, j'ai envie de dire. Parce que quand on a rencontré Diablo Corps, je dis « bon, parce que voilà, il n'y a plus de secret ». On faisait beaucoup de choses et c'est vrai que depuis le Diablo Corps, on fait beaucoup moins de choses. Du coup, c'est un petit peu toujours... J'ai l'impression qu'on est un peu votre... on appelle ça votre... vous mettez ça en avant alors qu'en fait, on ne fait plus grand-chose. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu fondu en nous ? Ouais, cette journée va être très très longue. Oui, on peut dire qu'on a été, moi je pense plutôt la métaphore du transfert, on a été racheté par le Diablo Corps. Ah oui. Ce qui fait que non, on faisait beaucoup de formations dans l'animation socioculturelle pour repolitiser socioculturelle. J'ai compris sous-culturel, je me disais non, ah donc même pas, non. Ça va. Oh, être gauche. socio-culturel, ouais, le monde de l'animation, le champ de l'animation. Et puis voilà, bon, on faisait tout un tas de choses, c'est trop long à expliquer. Mais par exemple, on peut peut-être quand même mettre en avant la prison. On a fait et on continue de faire, d'ailleurs, c'est un peu le seul truc qui nous reste en ce moment. Beaucoup d'ateliers médias en prison. Donc, on parle des médias avec les détenus, mais on parle surtout des conditions de détention avec les détenus et on voit avec eux ce qu'on peut en faire. C'est notamment ça dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on y revienne ? Non. Non, l'agenda, prenez un créneau si vous voulez parler. Non, moi, vous savez, moi, je m'en fous. Moi, je me fonds dans le groupe, hein, y a pas de problème. Et de la même manière que pour la web radio Crochet, si vous avez des envies de choses à faire avec nous, eh ben, venez nous rencontrer de la même manière à nos petites permanences ou par mail ou par Facebook. Vous avez un projet, vous avez besoin d'utiliser les lieux pour votre asso, on vous rencontre d'abord et on discute et on voit si ça peut le faire au niveau des créneaux et au niveau évidemment de, je sais pas, des visions du monde qui peuvent se composer. Et on a également un collectif qui fréquente le Diablo Corps qui s'appelle le Comité Darwin. Oui, exactement. Et donc c'est depuis quelques mois, ils viennent ici, alors ça se passe avec des cycles sur un thème, en ce moment par exemple, c'est sur la radicalisation, c'est souvent lié à un peu des gens qui sont dans le domaine du soin ou en psycho, etc. Mais c'est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'on peut être étudiant, travailleur, chômeur, dans n'importe quel domaine, et on peut venir si on s'intéresse à ces thématiques. Et chaque cycle est composé de au moins 3 discussions, une projection de film avec débat lié à la thématique, une discussion, débat avec, on parle du thème, on lit des textes, on essaye de savoir ce qu'on en pense, et à la fin, l'intervention d'un un intervenant extérieur qui est spécialisé sur le domaine étudié. Donc vous pouvez avoir plus d'informations sur ce comité, sur le Facebook qui s'appelle Rencontre au comité Darwin. Entendu. Je mets encore une petite Ouais, juste ou... avant ça, je vais faire des parallèles entre la musique et le fait que, Juliette, tout à l'heure, tu me disais qu'il fallait que tu ailles travailler. Tout à fait. Pourquoi, d'ailleurs ? Tu peux nous le dire ? Pourquoi tu dois travailler ? Je raconte ma vie ? Ouais, vas-y. Je vais travailler parce que je suis à la fac, master professionnel de français. Va directement à la conclusion. Français, langue étrangère. Je dédicace à... je sais pas ce que tu veux que je dise. Non, tu me disais tout à l'heure en off, j'adore dire ça, tu me disais en off ouais, mais attention, c'était du off. Ouais, tu me disais que tu voulais être prête, tu voulais vite travailler. Ah ouais, oui, j'ai beaucoup de dossiers à rendre en ce moment pour la fac et ils sont pour lundi prochain, de la semaine prochaine, mais mon objectif personnel est de les finir vendredi afin de pouvoir me rendre samedi prochain à la manifestation qui aura sans doute lieu à Paris. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, du coup, voilà, c'est ça où je voulais en venir. Ouais, excellent. Voilà. Depuis tout à l'heure, toutes les chansons sont liées à l'actualité. Il y a quelque chose à voir avec feu ou avec explosion, révolte, etc. Et du coup, la prochaine chanson de Feu Chatterton. C'est parti. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses, panaméricaines, ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. Thank you. me reviennent, toi, sur l'autre rive. Et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir? Par le bout de l'écharpe, si tu te venir étrange, étrange l'un à l'autre. Au cou, le souvenir étrange. Et je reste à Paname. Tu sais de mémoire ancienne te méfier les braves de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil. Ivres de gloire ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche, de Malinche. Il n'y en aura qu'une. On est à l'antenne ? Ouais, bien sûr. Oui. Tout à fait. Et je dois cliquer sur quelque chose. Tu m'as dit... Assis couché. Excellent. Voilà. Un de nos problèmes, un de nos premiers jingles, on dédicace à Mecto. Voilà, c'était juste pour voir si ça marchait et ça fonctionne, c'est très cool. Attends, je clique sur les trucs au hasard. T'as pété ? Ah, c'est bien. Là, c'est moi qui parle. Excellent. C'est juste pour expliquer, on a préparé une petite. Comment on pourrait appeler ça pour que ce soit plus facile pour une lui. Palette, on dit une palette de sons. Une palette de sons avec plein de petits jingles, notamment extrait d'une superbe vidéo de. D'un enfant qui prend un bain. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, ouais, c'est gênant dit comme ça, mais bon, vous allez voir, c'est sympa. Vu qu'il n'y a pas les images, ça passe en fait. Oui, non, mais c'est pas. Il est vraiment petit quand même pour l'enfant. Hello, vous allez bien ? Voici l'équipe de Geezer. L'équipe d'Alouest s'installe dans le studio. Qui arrive. Moi, je voulais vous dire, sur le programme, il est mention nulle part des gilets jaunes et de tout ce qui se passe en même temps. En fait, quand on a commencé à écrire le programme, c'était le tout début, c'était vers le 17. Peu de gens y croyaient. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner. D'ailleurs, on s'était dit, est-ce qu'on prévoit une heure pour parler des gilets jaunes, etc. On s'était dit, ça se trouve, le mouvement sera fini ou au contraire, tout aura brûlé. On ne savait pas du tout ce qu'allait se passer. Il semblerait que tout brûle plutôt. Et en fait, vous inquiétez pas, si ça vous intéresse, on va quand même sûrement en parler à un moment ou à un autre. Il va y avoir des moments où des gens vont pouvoir un peu raconter ce qui s'est passé à Paris hier ou ce qui se passe pour la suite. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On avait plein d'idées là. Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Alors, tu voulais rappeler aux gens qu'il fallait. C'est pas une dédicace. Non, c'est pas une dédicace. Il n'y a pas assez d'auditeurs. On n'est pas assez nombreux là. Il faut que chacun d'entre vous qui écoutez, vous êtes 10, alors c'est pas si vous vous écoutez 12, ça. 12 là, ils sont 12. Sentez-vous concerné puisque je parle de vous. Chacun ramène 10 potes. Voilà, il faut envoyer des textos, il faut faire passer le mot parce que sinon ça va être ça va échouer quoi. Bah, c'est le même système que les chaînes en fait. Si vous le faites pas, il risque de vous arriver beaucoup de problèmes. 10 ans de malheur. Voilà, 10 ans de malheur si vous partagez pas à 10 amis l'adresse. Non mais envoyez à vos mamans, à vos tontons, tout ça quoi. Voilà. Non, c'est important quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, on se disait aussi peut-être refaire comme c'est peut-être pas les mêmes du début à la fin. Refaire un petit point sur la grille. On vient de faire l'entrée. Hein, on vient de faire le Good Morning Rouen. Le titre était un peu nul, si je peux me permettre. Je n'avais pas voté pour ce titre. C'est vrai, c'est moi qui l'ai choisi. Ouais, mais voilà. C'était un clin d'œil à Good Morning England. Bah voilà, tout à fait. Ouais. À Radio Pirate. Donc ensuite, là, on va laisser le totem, le témoin, même, je dirais, à l'Ouest, l'équipe d'Alouest, d'ici quelques minutes. Il n'est pas encore 10 heures. On nous dit qu'il n'est pas encore 10 heures. Ne vous inquiétez pas, on à l'Ouest, dit, on va tenir. Ils sont en flip. Ils sont pas prêts. On attend encore une personne. Il y a pas de souci. Si vous attendez une personne, je vois qu'elle est là-haut. Ah bon, elle est là-haut. Ah oui. Désolé pour tout ça, on vous fait connaître tout ce qui se passe, on est transparent, on vous l'a dit, pas de limite de transparence entre nous. À 11h, il y aura le collectif l'association, le collectif, je ne sais plus, LGBT. Ensuite, une émission culinaire, le centre. Oui. Ah, je ne sais pas. C'était toi le. On suppose qu'il y a une émission culinaire, sinon on improvisera. Si on te répond, il y a quelqu'un qui, ouais, nous parle. Il faut rallumer le micro vert. C'est bon, j'ai rallumé le micro vert. Tu peux parler dans ce micro-là. Attention. Oui. Il y a une fusion entre 9h et 10h maintenant, là. L'équipe de 10h va parler à la radio. Oh là, oh là là. Attends. Oh là là. Est-ce que l'équipe de 10h, vous avez pris des croissants, des cafés, servez-vous? Est-ce qu'on veut. Bah, c'est là, faut parler. Ouais. Non, c'est où les croissants? Ah là là, c'est catastrophique. Catastrophique, désolé. Non, faut pas tout dire dans le micro. Jusqu'ici, on était pro. Ouais, désolé. Là, l'équipe de 10h va. Reprends alors, la programmation. Midi, émission culinaire, si tout va bien, si les gens font leur taf. À 13h, L214 vient nous parler de son association, du coup, sur la thématique des véganes, du véganisme. À 14h, thématique migrants avec le collectif de la Garenne. Ensuite, thématique schizophrénie avec le collectif des Blouses Noires. Puis, comment on appelle ça? Chanson brûlée. Ouais. Oui, alors attendez, voilà, je crois que j'ai des nouvelles de chansons brûlées. Ouais, ça vas-y, y est, termine j'ai déjà regardé le... sur les Facebook. D'accord, ouais. C'est bon. Bah, ensuite, un petit goûter en écoutant de la musique et des gens parler sur cette musique. On va goûter DJ. À 18h, on vous parlera de black metal. À 19h, c'est la Lega Team qui vient avec des punchlines de rap pour vous expliquer quoi faire, ouais, en quoi cas faire de problème. Avant, pendant et après une garde à vue notamment. Tout à fait. 20h, un blind test récompensé d'un cadeau extraordinaire, énorme, qui rentre pas dans le Diablo Camp. On vous l'a déjà dit, ouais, on le répète, ceci n'est pas une blague. 21h, hypnose de rue, street hypnose. Voilà, c'est l'hypnose de spectacle. Yes. 22h, un concert de... SAD, Seasonal Affective Disorder. Exactement. Disorder. 23h, une surprise de taille. De taille, mesdames et messieurs. On a plus de nouvelles sur cette surprise. Yes. Ça celle devient... de 23h, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. À partir de minuit jusqu'à 4h, c'est Schlag Party avec Groupe Fantôme pendant 4h. Ça va passer du son, ça va boire des bières. Et autres. Voilà. Et le reste, tout est à inventer avec eux. Je pense que je vais venir pendant ce créneau. Nos limites. Après la surprise en plus qui est... Mais je préfère même pas en parler. De 4h à 6h, c'est la folie qui continue avec... C'est même pas une surprise. C'est... On n'a même pas le droit d'en parler. C'est même pas noté dans le programme parce que c'est trop illégal. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je reçois des messages. On a un partage de direct sur Facebook, apparemment. D'accord, c'est très beau. Donc, merci à Toto. Voilà. Toujours pas de sexto, d'ailleurs. Bon. 6h, revue de presse. Là je pense qu'on sait déjà de quoi on va parler. Hein. Même pas besoin d'acheter la presse. Mais non, on va le faire quand même. Ça va être une revue de presse sans acheter la presse. C'est inédit en France. Il faut quand même voir qui dit quoi. Ce sera uniquement sur MSN News. LCI, MSN. 7h, concert petit-déj de Thomas Carton en direct de La Conjuration des Fourneaux. On en reparlera d'ailleurs à midi dans l'émission culinaire de La Conjuration des Fourneaux. Nos amis, à 8h, on va finir, hein, on va conclure, mais ne parlons pas de ça trop vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Ce n'est que le début. Je rappelle la surprise de 23h. En tout cas, pour nous, Good Morning Rouen, on peut dire qu'on a fait le taf. On avait zéro note juste hein, pour for the record, comme on dit. Pour l'histoire, nous n'avions pas de notes, nous ne savions pas de quoi nous allions parler. Et finalement, j'ai très très peu dormi. Du coup, je vous dis à plus tard parce que on va tous revenir à un moment donné. En tout cas, on laisse après la chanson qui a été choisie par Juju. Tout à fait. The revolution will not be televised. Ok. Et ben, on laisse les micros à la bande de À l'Ouest. Salut. Salut. Bisous. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions.